تحكيم القوانين, gouverné par les lois forgées. Le statut de gouverné par les lois forgées des hommes, par Mohamed Ben Brahim al-Sheikh. Source, Fatawa Warasa'il, volume 12, page 284. Il est incontestablement une créance majeure et claire d'élever les maudites lois des hommes au rang de la révélation que l'Esprit fidèle a transmis au cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit entre tous un avertisseur en langue arabe claire et de trancher par ces lois entre les créatures et y renvoyer les disputes des querelleurs contredisant et refusant la parole d'Allah le sublime. Si vous vous disputez en quoi que ce soit, déférez-en Allah et au messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Cela sera meilleur pour vous et de plus belle incidence. Sourate 4, verset 59. Allah le Très-Haut a contesté la foi de ceux qui ne prennent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour juge dans toute dispute. Cette contestation de foi est accentuée par les deux formes de négation avec le serment dans le verset. Non, par ton Seigneur. Ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé nulle contrariété intime pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Sourate 4, verset 65. Allah, qu'il soit sanctifié, ne s'est pas suffi d'uniquement ordonner de prendre le messager d'Allah pour juge, mais ils doivent ajouter à cela de n'éprouver aucune gêne dans leur âme à l'égard de ce jugement, vu qu'Allah dit et qu'ils n'auront éprouvé nulle contrariété intime pour ce que tu auras décidé. La contrariété est la gêne. Mais leurs poitrines doivent être larges et libérées de toute angoisse et de toute instabilité. Et Allah le Très-Haut ne s'est pas suffi non plus de ces deux prescriptions, tandis qu'il n'ajoute pas à cela la soumission, qui est l'adhésion au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sorte qu'il se débarrasse de toute tentation de l'âme à son encontre et se soumette totalement au vrai verdict. C'est pour cela qu'il a ajouté le nom d'action, se soumettre, pour donner plus de force au verbe, pour exposer qu'il ne faut pas se contenter d'une simple soumission, mais il faut absolument une soumission totale. Observe donc ce qu'il y a dans le premier verset. Si vous disputez en quoi que ce soit, déférez-le à Allah et à l'envoyé. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, cela sera meilleur pour vous et de plus belle incidence. Sourate 4, verset 59. Observe comme le terme « quoi que ce soit » est déterminé et dans un mode conditionnel. Si vous disputez en quoi que ce soit, ce qui exprime la globalité de toute espèce et quantité de disputes imaginables. Mais dites ensuite, comment il mit cela en condition pour la réalisation de la foi en Allah et au jour dernier en disant « si vous croyez en Allah et au jour dernier ». Puis Allah a dit « cela sera meilleur ». Est-ce que Allah qualifié de meilleur ne pourra jamais être atteint par le mal, que ce soit à court ou à long terme. Puis il a dit, et de plus belle incidence, c'est-à-dire résultat dans ce monde et dans l'au-delà. Ce verset exprime donc que renvoyer les disputes à quelqu'un d'autre que le messager d'Allah est un mal pur et dur, et le plus mauvais résultat dans ce bas monde et dans l'au-delà. Non pas comme le prétendent les hypocrites, nous ne sommes que des réformateurs, soit 2 verset 11. C'est pour cela qu'Allah leur a répondu. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Sourate 2, verset 12. Et contrairement à ce quoi adhèrent les légistes qui estiment que l'humanité tout entière a besoin, voire même dans la nécessité de recourir à leurs lois. Mais ceci n'est qu'une pure mauvaise opinion qu'ils ont de l'enseignement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et d'une pure mésestime de l'éloquence d'Allah et de son messager. Ils jugent que cela ne suffit pas aux gens pour résoudre leurs conflits et que cela aura un mauvais résultat ici-bas et dans l'au-delà. Tel est ce qui leur implique. Mais dites aussi sur la généralité du deuxième verset, de ce qui fait conflit entre eux, car le pronom relatif « ce qui », avec la phrase qui lui est liée, exprime la généralité, suivant les fondamentalistes et autres savants. Et cette généralité englobe autant la forme et le genre de conflit que la quantité. Il n'y a donc pas de différence entre forme de dispute ou autre, tout comme il n'y a pas de différence entre une petite ou une grande quantité de disputes. Allah a contesté la foi de quiconque d'entre les hypocrites veut recourir au jugement d'autre chose que l'enseignement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui t'a été révélé, ce qui fut révélé avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors qu'on leur a commandé de le désavouer. Mais Satan veut les égarer très loin dans l'égarement. Sourate 4, verset 60. Lorsqu'Allah dit qu'ils prétendent, c'est pour les démentir lorsqu'ils prétendent avoir la foi. Car le recours au jugement d'autre chose que l'enseignement au prophète ne peut en aucun cas se réunir avec la foi dans le cœur d'un même serviteur. Mais au contraire, lorsque l'un est présent, l'autre s'annule. Quant au terme tarut, il est dérivé du mot turyan, qui signifie violer la limite. Tout ce qui juge par autre que l'enseignement du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et recourt au jugement autre que l'enseignement du prophète, il a alors jugé avec le tarut, ou recouru à lui. Car le droit de tout un chacun est de trancher d'après l'enseignement du prophète, et non pas à l'encontre. Tout comme le droit de tout un chacun de recourir au jugement de l'enseignement du prophète. Celui qui a jugé à l'encontre de cela ou bien recours à ce qui contredit cela, il est devenu un tarut et a violé sa limite, que ce soit en jugement ou en recours. Il devient donc un tarut pour cette violation. Médite sur la parole d'Allah le sublime, alors qu'on leur a commandé de le désavouer. Tu apprends par ce verset la rébellion des légistes et leur volonté de contredire ce qu'Allah attend d'eux à ce sujet. Ce que la loi attend d'eux est la chose pour laquelle ils furent assujettis et de désavouer le tarut, et non pas de le prendre pour juge. Mais les transgresseurs substituèrent à ces paroles autres que celles qui leur avaient été prescrites. Sourate 2, verset 59. Médite encore sur le verset suivant. Satan veut les égarer. Médite, comme le verset indique, qu'il s'agit bien d'égarement, tandis que ces légistes voient cela comme le droit chemin. De même, le verset montre que ces lois inventées émanent de la volonté de Satan, contrairement à ces légistes qui s'imaginent être loin de Satan, et que l'intérêt de l'humanité réside dans ces lois. Donc, d'après leurs avis, la volonté de Satan est l'intérêt de l'humanité, et la volonté du très miséricordieux est l'enseignement avec lequel le meilleur fils d'Adam fut envoyé son déchu de cette description et évincé de cette noblesse. D'ailleurs, Allah a condamné ce genre de gens, en affirmant qu'ils aspirent aux lois des païens et en exposant qu'il n'est pas de jugement meilleur que le sien. Est-ce donc le jugement des païens qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Sourate 5, verset 50. Médite donc sur ce verset et sur sa manière de montrer qu'il n'y a que deux sortes de jugements. Le jugement d'Allah, puis tout autre jugement que le sien. Le jugement païen, qu'ils le veuillent ou non. Ils sont même dans un état pire que celui des païens et plus faux encore, car les païens, eux au moins, ne se contredisent pas. Mais les légistes, eux, ils s'auto-contredisent vu qu'ils prétendent avoir foi en ce qu'a rapporté le messager d'Allah, puis le contredisent et essaient de se frayer un chemin entre les deux. Allah dit sur ce genre de gens, « Les voilà les vrais mécréants, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. » Sourate 4, verset 51. Regarde ensuite comment, dans ce noble verset, Allah répliqua aux légistes et à ceux qu'ils prétendent de leur esprit puant et ce qu'élabore leur intellect. Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Al-Hafidh ibn Kathir a dit dans l'interprétation de ce verset, Allah le Très-Haut condamne celui qui sort de la loi claire d'Allah, qui contient tout le bien et interdit tout le mal, puis se tourne vers autre chose comme les opinions et les désirs et les conventions que des hommes ont inventées sans s'en référer à la loi d'Allah. Comme cela fut le cas des païens qui jugeaient sur base de leur égarement et ignorance, qu'ils forgeaient de leur opinion et désir, et comme le font aujourd'hui, et comme le font aussi les Tatars, qui jugent d'après une politique royale tirée de leur roi Gengis Khan, qui leur avait inventé le Yasa. Il s'agit d'un livre réunissant des lois qu'il a tirées de diverses législations, comme le judaïsme, le christianisme et l'islam, et autres encore, mais aussi beaucoup de lois qui sont le fruit de ses propres opinions et désirs. Cette loi est devenue la loi suivie chez ses fils, qui la font primer sur le jugement du livre d'Allah et la sunna du messager. Celui qui fait cela est un mécréant qu'il est obligatoire de combattre jusqu'à ce qu'il revienne à la loi d'Allah et de son messager et ne juge par rien d'autre, que ce soit dans un petit nombre d'affaires ou dans beaucoup. Allah dit, est-ce donc au jugement du paganisme qu'il recherche, qu'il désire et veut, et est-ce du jugement d'Allah qui se détourne? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? C'est-à-dire, qui est plus juste qu'Allah en matière de jugement pour celui qui a bien compris la religion d'Allah, a eu foi en elle et certitude, et sait qu'Allah est le plus juste des justiciers et plus miséricordieux envers ses créatures que la mère envers son enfant. Car Allah est l'omniscient, l'omnipotent, l'équitable dans toutes choses. Fin de citation. Allah dit en s'adressant à son prophète Mohammed, « Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre, et ne suis pas leur passion loin de la vérité qui t'est venue. » Sourate 5, verset 48. Et il a dit, « Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre, ne suis pas leur passion, et prends garde qu'ils ne te tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. » Sourate 5, verset 49. Et il a donné le choix à son prophète entre juger entre les juifs ou se détourner d'eux, s'ils recourent à lui. « S'ils viennent à toi, sois juge entre eux, ou détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité. Car Allah aime ceux qui jugent équitablement. Sourate 5, verset 42. L'équité signifie la justice. Et la seule vraie justice, c'est le jugement d'Allah et de son messager. Et le jugement qui le contredit n'est que tyrannie, injustice, égarement, mécréance et débauche. C'est pour ça qu'Allah a dit, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Sourate 5, verset 44. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les injustes. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Sourate 5, versets 44, 45 et 47. Regarde donc comment Allah a taxé ceux qui jugent par autre que ce qu'Allah a révélé de mécréants, injustes et pervers. Et il est impossible qu'Allah qualifie de mécréant celui qui juge par autre que ce qu'il a révélé sans qu'il ne soit mécréant. Et il ne peut qu'être mécréant quoi qu'il en soit, que ce soit d'une mécréance de l'acte ou d'une mécréance du cœur. Et il faut rapporter d'Ibn Abbas que l'interprétation de ce verset, selon la version de Taous et d'autres, qui indique que celui qui juge par autre que la loi d'Allah est mécréant, soit d'une mécréance du cœur qui l'expulse de l'islam, soit une mécréance de l'acte qui ne l'expulse pas de l'islam. Premièrement, la mécréance du cœur. Elle a diverses catégories. 1. Que celui qui juge par autre que la loi d'Allah renie que le jugement d'Allah et de son messager est celui qui mérite d'être appliqué. C'est dans ce cas-là que cela fut rapporté d'Ibn Abbas et que choisi Ibn Jarir, que ceci est un reniement de ce qu'Allah a révélé comme jugement légaux. Il n'y a aucune divergence entre les savants à ce sujet. Les fondements établis et unanimement reconnus entre eux disent que celui qui renie un fondement de la religion ou une de ses branches unanimement reconnues ou conteste une seule lettre catégoriquement enseignée par le messager d'Allah est un mécréant, d'une mécréance l'expulsant de l'islam. 2. Que celui qui juge par autre que la loi d'Allah ne renie pas que le jugement d'Allah et de son messager soit juste, mais il croit que le jugement d'un autre que le messager est mieux encore que son jugement, plus parfait et plus ouvert aux besoins des gens pour juger de leurs disputes, que ce soit totalement ou relativement à certains événements qui survinrent lors des changements d'époque et des situations. Il n'est également nul doute qu'une telle personne soit un mécréant pour avoir préféré les lois des créatures qui ne sont que de pure puanteur intellectuelle aux lois du sage digne de louange. Le jugement d'Allah et de son messager ne varie pas selon la variation des époques et des situations en lui-même. Il n'existe aucune situation sans qu'il ne se trouve son verdict dans le livre d'Allah et la sunna de son messager, soit textuellement, soit évidemment, soit par déduction. Certains le savent, d'autres l'ignorent. Et le principe énoncé par les savants qui dit « La fatwa varie en fonction de la situation » ne signifie pas ce que pensent ceux de faible niveau de perception ou qui ne connaissent pas les règles de leurs facteurs et pensent que ce principe va dans le sens de leurs désirs luxurieux et bestiaux et leurs buts mondains et leur fausse conception des choses. En fait, les savants désignent par cette formule. La fatwa varie selon le changement des circonstances et l'évolution du temps, ce qui va en continuité des principes et facteurs des prescriptions et vont dans l'intérêt des gens tout en obéissant à la volonté d'Allah et la volonté de son messager. Et il est bien connu que les adeptes des lois inventées sont loin de tout cela et qu'ils n'adoptent que ce qui les arrange. Et la réalité en est le témoin le plus visible. 3. Que le juge ne croit pas que son jugement soit meilleur que celui d'Allah et de son messager, mais pense quand même qu'elle lui est identique. Le statut de ce juge est le même que les deux précédents. C'est une mécréance coupable de mécréance qui l'expulse de l'islam. Car il s'ensuit forcément une mise à égalité entre la créature et le créateur. Et une opposition et une rébellion contre le verset « Il n'y a rien qui lui ressemble ». Sourate 42, verset 11. Ainsi qu'à d'autres nobles versets qui affirment qu'Allah est le seul à avoir les attributs parfaits et qu'il est exempt de toute ressemblance avec ses créatures, que ce soit dans son être, ses attributs, ses actes ou dans le jugement entre les gens. 4. Que le juge ne croit pas que son jugement soit pareil, et encore moins qu'il soit meilleur que le jugement d'Allah et de son messager, mais croit qu'il est permis de juger en opposition du jugement d'Allah et de son messager. Celui-là est pareil au cas précédent. Et ce qui est vrai pour eux sera vrai pour lui, car il a cru en la permission d'une chose où les textes authentiques ont été catégoriques et formels pour l'interdire. 5. Le pire de tous, le plus ample et le plus évident dans sa rébellion contre la loi d'Allah, dans son orgueil face à ses lois et sa rupture avec Allah et son messager. Égaler les tribunaux islamiques en apprêtant, fournissant, disposant, des tribunaux auxquels furent instaurés des principes fondamentaux et des cases subsidiaires pourvus de pouvoirs législatifs, juridiques et exécutifs, d'ouvrages de référence et toutes sortes de documentations. De la même manière que les tribunaux religieux disposent d'ouvrages dont les sources sont le livre d'Allah et la sunna de son messager, ces tribunaux ont pour référence un code fabriqué de toutes pièces de diverses législations et codes, comme la loi française, américaine, britannique, ainsi que des préceptes d'hérétiques attribués à l'islam, etc. Ces tribunaux se trouvent déjà dans beaucoup de pays musulmans, à l'œuvre, porte grande ouverte, et les gens y rentrent en masse, où les magistrats jugent entre eux par des lois contraires à celles de la sunna et du livre. On leur impose ces lois, on les engage à déclarer leur fidélité à elles et on les oblige à s'y soumettre. Que peut-il y avoir comme créance pire que celle-ci? Et que peut-il y avoir comme invalidation du témoignage de la prophétie de Mohammed plus manifeste que celle-ci? Les preuves détaillées de ce que nous avons présenté dans ce paragraphe sont très connues et très nombreuses. Ô gens raisonnables, ô foule d'intelligents, ô êtres de conscience, comment pouvez-vous accepter que vous soyez appliqué des lois et des doctrines inventées par des gens qui sont comme vous, voire plus bas encore que vous? Des gens qui non seulement peuvent se tromper, mais qui en plus ont majoritairement plus tort que raison. Aucun de leurs verdicts n'est correct, sauf ce qui provient de la loi d'Allah, soit textuellement, soit par déduction. Vous les laissez ainsi, vous jugez votre sang, votre corps, votre honneur, vos familles, y compris vos femmes et vos enfants, vos propriétés et tous vos droits avec leurs lois. Eux qui refusent d'appliquer sur vous le jugement d'Allah et de son messager qui est exempt de toute défaillance. Le faux ne l'affecte ni de devant ni de derrière. C'est une révélation venue du sage digne de louange. Sourate 41, verset 42. En fait, lorsque les gens se plient et se soumettent au jugement de leur Seigneur, n'est qu'une soumission au jugement de celui qui les a créés pour qu'ils l'adorent. Et donc, comme on ne peut se prosterner que pour Allah et n'adorer, et que les créatures ne peuvent adorer des créatures, ils doivent aussi ne se plier ni se soumettre qu'au jugement d'Allah le sage, l'omniscient, le digne de louange, l'indulgent, le miséricordieux, en dehors du jugement d'une simple créature qui n'est qu'injuste, ignorante, dont la suspicion, les passions et les ambiguïtés feront périr, dont le cœur est envahi par l'indifférence, la rudesse et les ténèbres. Il est donc du devoir de toute personne rationnelle de se libérer de ces lois, dues à l'asservissement qu'elles leur réservent et la tyrannie de leurs passions et désirs, aberrations et faussetés, en plus du fait qu'il s'agit d'une mécréance selon les textes du Coran. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Sourate 5, verset 44. 6. Le jugement de nombreux chefs de tribus et de clans bédouins et d'autres comme eux, ils se réfèrent aux légendes de leurs ancêtres et à leurs traditions qu'ils appellent Saloum, qu'ils héritent de génération en génération. Et d'après quoi? Ils jugent, ils recourent lors de leurs conflits. Ils demeurent donc sur les lois païennes et détournent du jugement d'Allah et de son messager. La hawla wa la quwwata illa billah. Deuxièmement, la mécréance de l'acte qui n'expulse pas de l'islam. Nous avons déjà noté plus haut qu'Ibn Abbas a fait allusion à ce type de mécréance dans l'explication du verset, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Il a nommé une mécréance moindre que la mécréance, et aussi, ce n'est pas la mécréance à laquelle vous faites allusion. Ce cas de figure est lorsque sa tentation ou sa pulsion le pousse à juger dans une affaire exceptionnelle, par autre que la loi d'Allah, tout en ayant conviction que le jugement d'Allah et son messager est la vérité, et en avouant qu'il a mal agi et qu'il a dévié du droit chemin. Et ceci, même si cela ne l'expulse pas de l'islam, c'est quand même un acte plus grave que les péchés majeurs, comme la fornication, l'ivrognerie, le vol, le faux témoignage pour usurper le droit des autres, etc. Car un péché auquel Allah donna le nom de mécréance est pire qu'un péché qui ne porte pas ce nom. Nous implorons Allah de guider tous les musulmans à recourir au jugement de son livre. Il est le seul à pouvoir le faire.